En Corée du Sud, le Comité national de mesures contre la disposition du SAD a organisé le 11 courant devant le siège du ministère de la Défense à Séoul une conférence de presse contre la visite en Corée du Sud du directeur de la défense antimissile du département américain de la défense.